Cette route de montagne est étroite et j'approche d'un virage dans lequel je n'ai absolument aucune visibilité. Je dois évidemment ralentir, serrer à droite au maximum et donner un bref coup de klaxon pour avertir de ma présence les éventuels usagers qui surgiraient dans le virage. Réponse A.